fils de bourgeois ou fils d'apôtre, tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Ce n'est qu'après, longtemps après, mes fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire. Sous voûte d'or, sous toit de chaume, tous les enfants ont un royaume. Un coin de vague, une fleur qui tremble, un oiseau mort qui leur ressemble. Fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire. Ce n'est qu'après, longtemps après, mais fils de ton fils ou fils d'étranger, tous les enfants sont des sorciers. Fils de l'amour, fils d'amourette, tous les enfants sont des poètes. Ils sont bergers, ils sont rois mages, ils ont des nuages pour mieux voler. Fils de ton fils ou fils d'étranger, tous les enfants sont des sorciers. Ce n'est qu'après, longtemps après, mes fils de bourgeois ou fils d'apôtres, tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes.